celle qui pique ni celle qui meurt, celles qui sont dans mon cœur, qui s'épanouissent dans ta douceur, je t'ai apporté des fleurs. Pas celles qui poussent dans les pleurs, celles qui pour mon bonheur envahiront ton cœur. J'avais préféré un bouquet de baisers, mais ta porte est fermée et je n'ai pas la clé. J'aurais préféré un bouquet de baisers, mais ton cœur est fermé et je n'ai pas la clé. Je t'ai apporté mon cœur pour que chaque jour voie ton bonheur, chaque minute de chaque heure s'éteint dans la douceur. Je t'ai apporté mon cœur pour qu'il se chauffe à ta chaleur, pour éponger tes pleurs, pour éloigner tes peurs. J'avais préféré un bouquet de baisers, mais ta porte est fermée et je n'ai pas la clé. J'aurais préféré un bouquet de baisers, mais ton cœur est fermé et je n'ai pas la clé. Sur le trottoir, qu'une lumière aux fenêtres te sorte enfin du noir et te fasse apparaître. J'attends sur le trottoir du bonheur plein la tête, que mon étoile du soir ouvre enfin sa fenêtre. J'attends sur le trottoir en pensant que peut-être je peux garder l'espoir de te voir apparaître. J'attends seul dans la rue que ton cœur se libère et qu'il ne s'attache plus à penser à hier. J'attends seul dans la rue que tes yeux soient ouverts sur mon cœur mis à nu, sur mon amour sincère. J'attends seul dans la rue, j'attends seul et j'espère que mon cœur dans